La Révolte, livre audio gratuit, un roman de André Beaunier, lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence Creative Commons.